changer une cymbale, de, deux cymbales de place. Parce que je m'en sers comme crash et ride, mais elle était trop loin. Trop haut. J'essaierai de bien parler le français et non comme un Québécois qui parle mal. Mm-hmm.